Bon, bonjour Monsieur Blin. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc déjà, je vais vous laisser vous présenter. Voilà, en quelques phrases. D'accord. Donc je m'appelle Yves Blin. Manel m'a invité en tant que député. Je suis député de la 14e circonscription du Rhône. C'est la dernière. Il y en a 14 dans le département du Rhône. Et c'est celle qui couvre le sud-est de l'agglomération lyonnaise. Du coup, c'est ce qu'on appelle la vallée de la chimie, Flézin, Saint-Fons, aussi Vénissieux, et puis Saint-Priest, Corba, Solèze, c'est-à-dire 120 000 habitants. Ce qui est la moyenne de chaque circonscription française. D'accord. Du coup, votre parcours pour aller jusqu'à la politique, c'est lequel ? Oh, alors, mais j'étais pas du tout. Enfin, si, j'étais un peu dans ce domaine-là avant. J'étais dirigeant d'une association qui s'appelle Léo Lagrange, qui organise des loisirs pour les enfants, principalement enfants, jeunes, qui est une très grande association nationale qui emploie 5000 personnes pour l'encadrement d'activités éducatives, centres de loisirs, classes de découverte, centres aérés, etc. Et donc j'étais directeur général de cette association. Et puis je me suis intéressé à la politique, mais il y a longtemps, il y a une quarantaine d'années, que j'ai adhéré au Parti Socialiste parce que ça m'intéressait. C'était une philosophie qui me convenait. Et puis j'ai eu l'occasion de me présenter aux élections et d'être élu. Voilà, c'est mon premier mandat de député. C'est comme ça qu'on va être député. Ouais. Et aussi, si j'ai bien vu sur Internet, vous êtes aussi maire de Flézin, c'est ça ? Je suis maire de Flézin. J'ai été élu maire de Flézin en 2001. D'accord. J'ai emménagé à Flézin pour des raisons... J'habitais à Lyon avant. Des raisons personnelles, familiales qui m'ont amené à déménager, à m'installer à Flézin. Et puis Flézin, il y a tout ce qu'on appelle une section partielle, c'est-à-dire un groupe d'une quinzaine de personnes qui avaient envie de faire une liste pour les élections municipales, qui m'ont dit, allez, toi, t'as 45 ans, t'es encore jeune, t'es investi depuis longtemps parti socialiste, allez, prends la tête de liste, de toute façon, on n'a pas beaucoup de chance d'être élu. Puis on a été élu. C'est comme ça que je me suis retrouvé maire de Flézin. Mais c'est passionnant, c'est très intéressant. Mais je continue mon travail. J'ai arrêté mon travail en 2012, quand j'ai été élu député. Parce que là, vraiment, c'est pas possible de faire les deux. Ouais. Bon, et ben on va commencer les questions. Est-ce que autour de la table, vous avez des questions ? Quelles sont les différences entre être maire et député ? Les deux postes qui sont très différents. Ah oui. Est-ce qu'on pourrait dire que l'un des deux est plus difficile ou est-ce que c'est complètement différent la structure ? C'est très différent. En fait, quand vous êtes maire, vous faites des choses concrètes. Vous allez aménager un équipement public, un gymnase, construire des logements, aménager une place, construire un centre culturel, organiser des activités pour les enfants, dans les écoles et tout ça. Donc vous êtes vraiment en prise avec une réalité très concrète. Vous avez un budget, vous avez des salariés de la commune. Donc vous êtes vraiment dans le concret. Alors député, pas du tout. Député, vous êtes dans la loi, donc votre travail, c'est un travail que intellectuel et de relation. Intellectuel, parce qu'il faut réfléchir, il ne faut pas faire de bêtises, hein, quand on fait la loi, c'est ce qui s'applique après à tout le monde. Hein. Donc il faut bien peser le pour et le contre. C'est pour ça qu'il y a un gros travail de rencontre, d'audition, de gens qui savent, qui ont des points de vue différents, tout ça, pour bien enrichir son point de vue, et ensuite essayer de faire une loi qui soit en même temps le reflet de ce qu'on pense, mais aussi de ce qui convient au plus grand nombre. Donc c'est vraiment des choses complètement différentes. Et dans l'opinion publique, le maire est plutôt un personnage apprécié, en général. On connaît son maire, on l'aime bien, on peut être des fois d'accord, pas d'accord, mais on considère que c'est plutôt quelqu'un d'apprécié, alors qu'un député, il n'arrête pas de se faire engueuler. Voilà, il ne fait jamais ce qu'il faut. C'est pas trop dur de mener de front à la fois en mandat de député, à la fois en mandat de maire. Moi, dans mon cas, c'est possible, puisque Flézin est une petite commune, qui me fait moins de 10 000 habitants. Je trouve que c'est, selon la taille des communes, c'est possible ou ça l'est pas. Mais je trouve que c'est une bonne chose. Moi, j'ai voté pour l'interdiction du cumul, des mandats. Je me l'appliquerai à moi-même, bien sûr, si j'étais réélu député. Je ne pouvais pas le faire tout de suite, parce que j'avais été élu député, l'équipe municipale n'y était pas préparée, tout ça. Donc, je trouvais que ça aurait été un peu lâcher les choses en race campagne, quand même, alors que j'avais été élu. Donc, j'ai tenu à la suivre jusqu'au bout de mon mandat de maire. Mais j'aurais pas de difficulté, je dirais, à m'appliquer le non-cumul du mandat. Mais du coup, vous pensez quand même qu'il y a un avantage à être à la fois maire et député au niveau de l'action locale ? Non, pas forcément. C'est vraiment deux choses différentes. Je pense que c'est important pour un député d'avoir une expérience professionnelle ou de gestion, parce que malgré tout, ça construit aussi une... Ça participe d'une expérience importante. Moi, je suis pas favorable à ce que... Excusez-moi, vous êtes jeune, je ne devrais peut-être pas vous dire ça, mais à ce qu'on ait des députés qui n'aient pas d'expérience de la vie concrète, quoi, qui n'aient pas au minimum une expérience professionnelle, qui n'aient pas au minimum exercé un métier. C'est important. Donc, qu'est-ce que vous pensez des parcours purement politiques, les gens qui font... Sciences Po, l'ENA, etc., les grands concours, et entre directement sans avoir cette expérience du monde réel, comme vous dites. Je ne suis pas favorable, et je trouve que c'est aujourd'hui un des défauts de la vie politique française. Et que quand on est à l'Assemblée nationale, moi je dois faire partie des rares chefs d'entreprise qui ont siégé à l'Assemblée nationale. Et vraiment, c'est embêtant parce que quand on parle de l'économie, par exemple, qui est quand même... un gros sujet, et qu'on ne sait pas comment ça marche, une entreprise, ou qu'on n'en a qu'une vision un peu théorique, c'est pas pratique, quoi. Et je trouve que, on parle des fois de quotas, je suis un chaud partisan de la parité, c'est pas un sujet, mais je trouve que des fois on arriverait à faire à ce qu'il y ait un meilleur mélange des parcours, d'expériences, des uns et des autres, ce serait mieux. Parce que là, on est quand même beaucoup dominé par des députés, dont beaucoup sont fonctionnaires, profession libérale, et ceux qui restent du secteur privé. Mais il y a quand même beaucoup de fonctionnaires. Pourquoi ? Parce qu'en même temps, moi, j'ai quitté mon travail pour être député. Et ça tombait bien, parce que j'avais 57 ans. Le mandat de député, c'est 5 ans, donc... Je sais que si je ne suis pas réélu, 62 ans, je pourrais faire valoir mes droits à la retraite, je ne me retrouverai pas à la rue. Mais si j'avais fait ça 10 ans plus tôt, 42 ans, ou 47 ans, j'étais élu jusqu'à 52 ans, j'étais battu 52 ans pour retrouver du travail, pas facile. Donc ça c'est un petit sujet quand même, hein, qui fait que bah oui, il y a plus de fonctionnaires. Ce fonctionnaire, vous n'êtes plus député, hop, vous retrouvez votre emploi. Donc c'est plus facile de prendre ce risque. Hein. Vous étiez chef d'entreprise. Est-ce que ça aurait été possible pour vous de mixer à la fois le mandat de député et garder votre entreprise ? Non. C'est pas possible. Trop compliqué. Non, c'est pas possible parce que quand on dirige une entreprise, il faut y être à 100%. D'une entreprise de quoi ? De service. Donc non, ça exige les salariés, ils ont besoin que vous soyez là, les clients, tous les jours, hein, on règle des problèmes. Et mettre quelqu'un à sa place en disant à la personne bon bah tu prends ma place mais peut-être que je vais revenir hein, c'est pas très motivant quoi hein, donc une entreprise hein, c'est un corps humain hein, c'est fragile, il faut qu'il y ait de la permanence, il faut qu'il y ait de la sécurité, tout ça, donc non, quand on quitte faut savoir quitter quoi. Vous parliez d'un maire qui a un rôle très concret et d'un député beaucoup plus axé dans la pensée, tout ça. Vous pensez qu'un député gagnerait à être plus au contact des gens, plus justement une optique plus concrète, enfin... Ah, c'est pas une question de contact des gens. Hein. Un député, il est beaucoup en contact des gens. Il est dans sa circonscription. Parce qu'on a constamment des demandes de rendez-vous, on rencontre tout le temps des gens. Hein. Donc on est en contact avec les gens, mais on n'est pas en situation de conduire des réalisations concrètes. Hein, tu vois, moi, quand maire, je prépare un budget avec mes adjoints, il y a une équipe. Puis on dit, tiens, cette année, on va faire ça. L'année prochaine, on fera plutôt ça. Puis cette année, on va favoriser la construction de 100, 150, 200 logements. On va faire comme ci, comme ça, mais il faut prendre sens. Si on fait venir des familles nouvelles, on va faire une école, on va construire. Enfin, tu es vraiment dans une activité dont la réalisation est très pratique. Hein. Et tu as assumé en même temps les contraintes d'un budget. Si tu ne veux pas augmenter les impôts, il faut faire des choix. Faut... Non, non. Donc c'est vraiment deux métiers différents. Mais ça ne veut pas dire que dans un cas, tu es plus en contact que dans l'autre. Hein, dans les deux cas, tu es en contact avec les gens. Vous rencontrez beaucoup les gens, les habitants de votre circonscription. Oui. Vous les rencontrez Oui, bien sûr. Parce que je vais dans les... On est... Un député, il est beaucoup invité, hein, par les associations, pour... quand elles ont une coup à remettre, on invite le député, quand... Bon, il y a plein de raisons, un débat animé, là, j'étais, il n'y a pas très longtemps, à Saint-Priest, par exemple, les associations des centres sociaux de Saint-Priest faisaient un débat sur... l'économie sociale, comment ça marche, comment nous, associations, quand on a atteint une certaine taille, comment... Donc, tu es constamment invité, donc en contact, et puis tu as des gens qui veulent te voir, qui te demandent rendez-vous. Je te disais tout à l'heure, des fois pour des choses qui te concernent, alors par rapport aux lois que tu votes, par exemple dans ce quinquennat, la loi Macron, les notaires ils ont vu noir parce qu'ils n'étaient pas contents, donc tu reçois les notaires, tu reçois les taxis, tu reçois les agriculteurs, tu reçois un peu toutes les corporations d'une certaine façon qui ont un avis sur ce que tu fais, qui ont envie de te le dire, qui ont envie de te convaincre, qui peuvent être d'accord, pas d'accord, qui demandent plus, qui demandent mieux, qui demandent moins. Donc, c'est important parce que ça t'oblige à réfléchir, hein, à bien penser les choses, à écouter les différents points de vue. Et puis, tu as des gens comme toi qui... Manel, lui, tiens, on fait un truc avec des potes, on aimerait qu'il y ait un député qui vienne. Donc, on rencontre des gens comme ça en permanence. Hein. En moyenne, moi dans mon métier de député, je suis 3 jours à Paris, mardi, mercredi, jeudi, et le reste du temps dans ma circonscription. Et ça fait quasiment 4 jours, hein, parce qu'on est beaucoup sollicité les week-ends. Hein. Oui. Là, aujourd'hui, c'est samedi soir. Ce matin, j'étais quelqu'un qui m'avait demandé d'être là pour qui avait la médaille de l'Ordre National du Mérite, qui souhaitait que le député soit là. On est tout le temps un peu sollicité pour plein de choses. Merci. Moi j'avais une question, en fait vous avez déjà commencé à y répondre, mais enfin, c'est un peu pour m'aider à figurer un peu le métier de député. Enfin, concrètement, votre métier, enfin, qu'est-ce que c'est tous les jours? Ouais, c'est quoi la journée type? Comment est-ce que C'est vraiment, il faut bien se dire que le député, il fait la loi. Hein. Il va participer, il a été élu dans la logique d'un programme électoral, et il va s'attacher, par la loi, à mettre en œuvre ce programme. Comment ça marche? Moi, j'ai été élu, après les présidentielles de 2012, dans la majorité de François Hollande. Il y avait un certain nombre de dispositions, laquelle on pourrait prendre, qui pour vous soit la plus... le mariage pour tous, par exemple. Hein? Bon. Quand vous arrivez à l'Assemblée, vous inscrivez dans un groupe politique. Hein? Il y a quelques députés qui ne sont pas inscrits, mais très peu, parce que le groupe politique, c'est ce qui donne la cohérence de l'ensemble. Et puis en même temps, les groupes politiques ont des collaborateurs, ont des moyens qui permettent que les députés soient aidés dans leur travail. C'est impossible de travailler seul. Hein. Donc on a des collaborateurs du groupe politique et ses propres collaborateurs. Et une loi comme le mariage pour tous, comment ça se passe? Le gouvernement va écrire un texte. Il va l'adopter en Conseil des ministres. Ensuite, il va le transmettre à l'Assemblée qui va le travailler. Et elle va le travailler pendant 2 à 3 mois en commission. Alors là, il va y avoir des auditions, hein, ce qu'on appelle des auditions, c'est-à-dire on va recevoir les pour, les contre, ceux qui en veulent plus, ceux qui en veulent moins, tout ça, les gens d'église, les gens de la laïcité, les associations d'homosexuels, vraiment essayer de construire une variété d'auditions la plus importante possible pour avoir les meilleurs avis qui soient. Et ensuite, on va prendre le texte du gouvernement et on va le travailler. En commission, on va faire ce qu'on appelle des amendements. C'est-à-dire, bah, ça, vous l'avez écrit comme ça, nous, ça ne nous va pas. Après avoir entendu le point de vue des autres, on écrirait plutôt comme ça. Et on réécrit. Et chaque député a le droit d'amender le texte. Et ensuite, ces amendements sont débattus dans l'hémicycle. Hein? Donc, un texte comme le mariage pour tous, par exemple, je ne sais pas, il a dû y avoir, comme c'était un texte où il y avait beaucoup de pour et de contre, beaucoup d'amendements. Donc, je ne sais pas, c'est un texte, on va dire, d'une cinquantaine d'articles de loi, mais il y a dû y avoir 2 000 ou 3 000 amendements. Hein? On est 600 députés, hein, 580. Chaque amendement est débattu, c'est-à-dire qu'il y a le point de vue du gouvernement, il dit, moi je suis d'accord avec cet amendement, bon, que ça on l'avait peut-être pas bien écrit, donc monsieur le député, ok, je suis d'accord avec votre amendement. Il va y avoir le point de vue du rapporteur, c'est-à-dire du responsable du texte pour l'Assemblée, c'est un député, qui lui va aussi donner son point de vue, et ensuite le vote de l'hémicycle. Mais avant qu'il y ait le vote, chaque député qui le souhaite peut s'exprimer. Hein? Donc ça prend du temps. Et un texte comme le mariage pour tous a dû passer pratiquement 15 jours en séance dans l'hémicycle. Mais les 15 jours dans l'hémicycle, c'est le résultat de quasiment 3 mois de travail avant. Tu vois? Donc un texte de loi, c'est quasiment 4 mois de travail pour les députés. Mais en même temps, on n'est pas tous, on ne travaille pas tous sur les mêmes textes. Hein, il y a 8 commissions, affaires économiques, affaires sociales, défense, affaires étrangères, éducation, culture, Europe, je ne sais pas encore une des autres. Et donc on est répartis, on se répartit. Sinon ce serait impossible. Hein. Vous savez, des fois, souvent, les gens nous disent « Ah ouais, mais oh, vous n'êtes jamais dans l'Assemblée, l'hémicycle, il est toujours à moitié vide, on ne voit personne. Ouais. » Parce que humainement, ce serait impossible de suivre tous les textes qui sont discutés en permanence. Parce que les 8 commissions travaillent, le gouvernement leur soumet les doigts, selon le thème, c'est telle ou telle commission qui s'en saisit, etc. Donc c'est plutôt les députés de la commission considérée qui sont dans l'hémicycle au moment où le texte est débattu. C'est pour ça qu'il n'y a jamais 577 députés dans l'hémicycle, sauf au moment des questions orales qui sont télévisées, où là, on interroge le gouvernement sur l'actualité. Et du coup, une commission est composée de députés de pouvoir politique. Oui. Et comment est-ce que... Il y a des points de vue qui sont très différents selon... Ouais. Comment est-ce que ça marche Alors, c'est composé au prorata des groupes politiques. Mm-hmm. Hein, c'est-à-dire que... Là, par exemple, dans le quinquennat qui se termine, le groupe socialiste était majoritaire, donc il avait la majorité dans les commissions. Une commission, il y a à peu près 80 députés. Et une commission vote. Hein. C'est-à-dire qu'elle fait, je dirais, d'une certaine façon, un premier travail d'étude, d'analyse, d'amendement. Elle vote et c'est le texte qui sort de la commission qui ensuite est examiné et débattu dans l'hémicycle. Comment donc, il y a un premier... Qui est dans quelle commission ? Est-ce qu'on peut choisir sa commission ? On peut la choisir, mais on n'a pas forcément gain de cause, parce que le nombre de députés est le même dans chaque commission. Donc quand on est élu, on fait un choix, hein, c'est comme à la fac, 1, 2, 3. Et est-ce que... des fois, on a l'impression qu'il y a des textes qui sont débattus pendant des semaines et des semaines. Est-ce que vous demande votre avis personnel, est-ce que vous pensez que toute cette machine de l'Assemblée nationale, est-ce que c'est une machine efficace? Ou est-ce qu'il y a des... du fait de comment est-ce de son organisation, est-ce qu'il y a des points de blocage qui sont dus à son organisation Moi je pense que c'est pas. Le système n'est pas mauvais. Parce que tu vois, on peut toujours trouver que c'est long, que ça fait beaucoup de débats, etc. Mais en même temps, c'est aussi ce qui permet que tous les arguments soient examinés, que les choses soient vraiment regardées dans le détail. Et quand tu sais que ce que tu décides, après ça va être rendu obligatoire, c'est ça la loi, pour 66 millions de personnes, il y a des fois où peut-être mieux prendre 15 jours de plus, pour que ce soit bien réfléchi, plutôt que de faire vite. Alors, c'est sûr que l'ennui des fois, c'est que les gens disent « Oui, mais on ne voit pas l'impact. » de ce que vous avez décidé. Parce que oui, ça n'a jamais un impact tout de suite, hein, parce qu'une loi, une fois qu'elle est adoptée, bon, il faut un petit peu de temps, il faut quelques mois. Après, il faut des décrets d'application, c'est-à-dire que les services de l'État vont dire très concrètement bah, comment il faut faire, en quelque sorte, hein, pour les administrations, pour etc. Donc, il y a toujours un moment entre le moment du débat, qui est celui qui est public, qui est celui qui est le plus polémique, qui est relayé par les médias, tout ça, puis celui où vraiment concrètement les choses vont entrer dans, dans les faits. Et quand tu fais des lois, par exemple, comme le logement social, c'est un exemple intéressant parce que tu décides, par exemple, ce qu'on a fait dans ce mandat, que toutes les communes sont obligées de construire au moins 25% de logement social quand elles construisent des logements. T'es maire, tu construis 100 logements, et bien dans ces 100 logements, tu as l'obligation de construire 25 logements sociaux. C'est pas quelque chose de très difficile, et le logement social est quand même 60% des Français qui ont un niveau de revenu qui leur permettrait, s'ils le souhaitaient, de demander un logement social. Hein, c'est pas, Sauf que, entre le moment où tu décides ça, le moment où ça va être mis en œuvre, décidé, imposé par les communes, bah, qui ne sont pas d'accord, qui vont essayer de passer à travers, machin, tout ça. Et puis ensuite, le temps de la construction, hein, le permis de construire, machin, tout ça. Bah, la décision que tu vas avoir prise à un moment N, elle va être vraiment en application complète. C'est-à-dire qu'on peut penser que oui, dans 10 ans, toutes les communes de France auront 25% de logements sociaux. C'est-à-dire qu'une loi qui aurait été adoptée en 2012, elle sera vraiment appliquée, concrètement vérifiable, en 2022. Est-ce qu'on peut faire plus vite? Non. Tu vois, sur un exemple comme ça, non. Le mariage pour tous, tu le votes, le lendemain, il est applicable. Parce que là, il suffit de dire aux officiers d'état civil dans les mairies, à partir d'aujourd'hui, si vous avez deux personnes du même sexe qui vous demandent d'être mariées, vous devez l'accepter. Donc ça, c'est pas compliqué, ça ne nécessite pas de mesures lourdes, particulières. Mais... Est-ce que le rôle d'un député, c'est aussi de pouvoir revenir ou modifier sur les lois? Oui, bien sûr. Il y a une loi qu'on ne peut pas modifier seule, qui est la loi fondamentale, qui est la Constitution. Ouais. Là, il faut les deux tiers de ce qu'on appelle le Parlement, c'est-à-dire sénateur plus député. Elle est modifiable. Les deux tiers du Parlement, hein, c'est-à-dire le président de la République qui est habilité à convoquer le Parlement. Donc convoque la réunion se tient à Versailles parce qu'il y a une salle suffisamment grande pour ça, hein, qui réunit tous les députés et les sénateurs. Et il faut que les deux tiers d'entre eux soient d'accord. La dernière fois que ça s'est fait, ça s'est fait dans ce mandat, mais où il y a un amendement qui a été adopté à la Constitution, c'était par Jacques Chirac, qui avait fait inscrire dans la Constitution le principe de précaution. Et voilà, quand on prend une initiative, quand on vote une loi, on doit avoir le souci de l'impact qu'elle va avoir. Et ça, c'est inscrit maintenant dans la Constitution, notamment dans une logique de préservation de l'environnement, Enfin, je suis en train de penser, il y a quand même une critique qui est faite assez souvent, que dire que la loi n'a pas assez vite pour l'entreprise, par exemple, qui évolue beaucoup plus vite en termes d'innovation, etc. Et que ce soit pas réglementé. Est-ce que vous pensez que c'est inhérent au système qui doit rester tel qu'il est, même sur ce cas-là, ou qu'on peut envisager des choses qui seraient peut-être plus rapides pour traiter ces cas-là? Déjà, moi, je pense qu'il ne faut pas tout réglementer, tu vois. Je crois déjà qu'on a tendance en France à faire trop de lois. On en ferait moins, on s'en porterait pas plus mal. Et puis on aurait peut-être plus de capacité à les faire appliquer, parce que des fois, il y a des lois qui ne sont pas toujours vraiment appliquées. Pour les entreprises, c'est compliqué, parce que tu as parfois des domaines d'activité dans l'économie qui sont très en pointe, et qui, par leur capacité à innover, cassent un peu tous les codes, quoi. Vous êtes sûrement très familier au débat qu'il y a eu avec Uber. Oui. Vous avez une plateforme de e-économie, hein, qui tout d'un coup pète tous les codes de la profession de taxi. Faut la laisser faire. On est dans une économie de droit privé, donc elle a tout à fait la capacité à prendre l'initiative. Sauf qu'il y a un moment où la façon dont elle s'y prend remet complètement en cause un modèle économique existant, au détriment de ceux pour qui ça fournit du travail. Est-ce que ça assure aux clients le même service? Tu vois, ça va tout d'un coup poser à l'ensemble d'une profession, à l'ensemble d'un domaine, des questions qui exigent que la réglementation, donc la loi, soit adaptée. Donc, je dirais des fois, la loi, elle court un peu après le progrès pour ajuster des choses qui le méritent, parce que l'innovation technologique, des fois, peut poser des problèmes sociaux, d'emploi. Donc c'est normal que le législateur les corrige. Et puis des fois, elle statue sur des situations qui ne relèvent pas forcément de l'activité de l'entreprise, mais beaucoup de sa fiscalité. Hein. Budget de l'État, c'est de la fiscalité. Et ça, les entreprises sont bien sûr très attentives. Mais finalement, le fait que la loi court après le progrès, c'est pas forcément une mauvaise chose. Non, moi je pense pas. Je pense pas parce que si elle précédait, ça voudrait dire que tu cadres les choses et que les entreprises, elles ont un cadre dans lequel elles doivent évoluer. Et ce serait pas forcément bon pour l'innovation. L'innovation, ça se fait souvent un peu hors des cadres, justement, classiques. Hein. Donc il faut bien laisser faire et puis plutôt être attentif à ce que ça peut, à ce que ça peut entraîner. Tu vois, moi je vois par exemple, beaucoup de jeunes ont une activité de livreur en vélo. Avec des plateformes comme Deliveroo Avec des plateformes qui font quoi? Qui poussent des gens qui ont besoin de faire un peu d'argent à se mettre en auto-entrepreneur pour gagner leur vie. Je trouve que c'est très discutable. Parce que quand tu es auto-entrepreneur, tu fais quoi? Tu as un minimum de charges sociales, tu t'assures toi-même, tu prends tous les risques. D'une certaine façon, la plateforme qui te fournit du travail te prélève une partie de ton chiffre d'affaires. Mais elle, responsabilité zéro, ou très faible. Hein. Et je trouve que ça, c'est assez discutable. Parce que on pourrait aussi imaginer un autre dispositif où la plateforme emploie les coursiers. Et où, parce qu'elle est employeur, eh ben, elle leur fournit une couverture sociale, accès à la sécurité sociale, une mutuelle. S'ils ont un accident, ils sont couverts correctement. Voilà, alors oui, ça fait un service plus cher, mais bon, il y a un moment où la course au moins cher, moins cher, moins cher, moins cher, ça discute quoi. Et là, tu vois, l'intervention du législateur, par exemple, c'est partie des choses sur lesquelles je trouve qu'elle est importante en disant bon, ok, c'est une nouvelle façon d'assumer un service aux personnes. Le vélo, tant mieux, c'est plutôt bien. On ne va pas le décourager, hein, problème de pollution, tout ça. Mais, halte à l'exploitation de l'homme par l'homme quand même. Hein. Il y a des moments où il faut aussi que tout ça ait des limites. Quoi. Et c'est pas. Gugus qui ont eu cette idée géniale, qui anime la plateforme, qui taxe 10% du chiffre d'affaires, et puis les autres qui pédalent sans aucune protection, sans rien, pour gagner 10 balles. Hein. Quand même un moment où il faut que le rapport soit équilibré, et ça c'est le rôle de la loi. Moi j'avais une question. Non, pas du tout, c'est moi qui voulais expliquer, excusez-moi, c'était lui aussi le RSA à propos des autres entrepreneurs. J'ai entendu dire que quand on était entrepreneur, on ne touchait pas le RSA aussi. Et que c'était plutôt une arnaque, en fait, cette histoire. Bah, auto-entrepreneur, tu as un revenu. Et le RSA, il est calculé en fonction de ton revenu. Donc, ça dépend de ton revenu. D'accord. En fait. Récemment, on m'avait beaucoup déconseillé d'être auto-entrepreneur. Par exemple, j'ai dû être à un moment donné, on m'avait proposé de l'être. Tu vois, moi, je trouve que c'est bien quand tu crées ta boîte. Ouais. Parce que là, bon, tu démarres, tu as peu de charges, tu bosses le jour, la nuit, tu t'en fous, tu es dans ton projet. Et tant mieux, tu as pas trop, tu as un minimum de charges, puis petit à petit, tu vas développer ton chiffre d'affaires et tu vas pouvoir, d'une certaine façon, en même temps que tu développes ton chiffre d'affaires et ton idée, obtenir ton statut, un statut social meilleur. Ouais. Parce que tu sais, c'est important, hein, y compris des trucs à votre âge pour lesquels on ne se met pas la pression, je veux dire, mais cotiser pour sa retraite, le jour où on est en retraite. Hein? On n'est pas content, on n'est pas mécontent d'avoir cotisé. Quand tu es auto-entrepreneur, c'est des trucs, tu t'en fous un peu, puis tu cotises au minimum, machin. Donc faut faire gaffe à, faut faire gaffe à ça. Donc moi je dis, quand tu crées ta boîte, c'est un bon système. Ou tu crées à plusieurs avec des potes, bon. Mais dans le système plateforme, je trouve que c'est très... Tu vois, je veux dire, un chauffeur Uber aujourd'hui, qui est auto-entrepreneur, il achète ou il loue sa bagnole, il paye une redevance à la plateforme, il est auto-entrepreneur, bon, il se débrouille souvent, c'est des gars qui font ça en plus d'un boulot, donc ils ont déjà une couverture sociale parallèle, mais quand tu fais tes comptes, d'abord tu gagnes peu, j'ai un ami qui est fonctionnaire, qui travaille à un collègue des ordures ménagères à la métropole, il fait ça le week-end, hein. Il passe ses nuits du samedi au dimanche, du dimanche au lundi, à conduire, à faire le taxi, il me dit qu'il gagne à peu près 150 euros par week-end pour bosser toutes les nuits. Et là, il s'est pris un crédit de bagnole, c'est des voitures, il exige un certain niveau, tu vois, de 30 ou 40 000 euros. Bah, il faut faire un certain nombre de courses avant d'avoir amorti sa voiture, payer ton essence, payer la redevance à la plateforme, et au bout du bout, gagner ta vie. C'est pas ce qu'il lui reste. Hein. Donc il faut bien tout regarder. Et là, par rapport à ta question, je trouve que l'intervention du législateur, du droit, de la loi, elle est importante parce qu'on ne peut pas tout laisser faire. Il y a des trucs quand même... Tu regardes dans un autre domaine comme l'agriculture, vous êtes des jeunes urbains, hein, vous connaissez peut-être moins bien, moi je ne suis pas non plus agriculteur, mais tu te rends compte par exemple que l'agriculture française par rapport à l'agriculture américaine, par rapport à d'autres, est vraiment une petite agriculture, des petites exploitations, 20-30 hectares, machin, tout ça, dont les mecs ont du mal à vivre. S'il n'y avait pas à un moment l'État ou l'Europe pour faire ce qu'on appelle la politique agricole commune, qui même si elle fait un peu hurler des fois les gens, mais permet que les agriculteurs, français en tout cas, aient un revenu, quoi que leur exploitation leur permette. Ben ça c'est quand même, c'est des trucs, faut la loi, faut l'Europe pour ça. Si t'as pas, et ben les agriculteurs français ils continuent à se taper avec les Espagnols, les Allemands, les Anglais, les trucs, les bidules. L'histoire des pays font que, ou le climat font qu'il y a des capacités différentes des uns et des autres. Et si t'as pas une régulation entre les uns et les autres, ben tu peux avoir des déséquilibres très très forts. Quoi. Très très forts et qui font que ben, les gens ne pourraient plus vivre aujourd'hui de l'agriculture par exemple. Même s'ils en vivent pas très bien, ils en vivent quand même. Et si on n'avait pas d'agriculteurs, bon, qui entretiendra la campagne? Ne serait-ce que ça, pose la question comme ça. Hein. Donc c'est un rôle d'entretien du sol. Hein, Moi j'avais une question mais qui n'a aucun rapport avec l'entreprise. Avec la choucoute. Voilà. Mais aujourd'hui le travail de député est beaucoup critiqué, notamment à cause de nombreux scandales financiers, donc par exemple les emplois fictifs de la... Ouais. Pour prendre dans les deux camps de bah, du coup la femme de François Fillon pour les Républicains, mais encore avec Bruno Leroux, l'emploi fictif de ses deux filles. Et l'émission quotidienne de TF1 et TMC a lancé une opération, donc hashtag Parlement Transparent, qui a envoyé à chaque député en fait 4 questions pour savoir s'ils accepteraient d'être sous un contrôle, enfin que leurs finances soient contrôlées. Publié à tous les citoyens, donc diverses initiatives comme ça. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative et est-ce que vous êtes pour un Parlement plus transparent? Bah oui, enfin moi personnellement ça ne me dérange pas. Je n'ai pas de soucis avec ça. Qu'est-ce que vous pensez des scandales qui ont été mentionnés? Bah, c'est scandaleux. Je ne sais pas quoi te dire, je ne sais pas comment on peut faire en se rasant le matin, comme disait Sarkozy, avec des comportements pareils, quoi. C'est scandaleux. Et ça me scandalise plus, c'est pas parce que j'en connais plus l'un que l'autre, ça me scandalise plus de la part de Fillon, parce que clairement, il paye sa femme pour ramener de l'argent dans le ménage, parce que quand on paye sa femme 7 000, 10 000 euros, etc., un parlementaire a une enveloppe de rémunération de 9 000 euros pour ses collaborateurs. Donc si vous la payez 7 ou 8 000 euros, ça veut dire que vous lui donnez la totalité de l'argent normalement consacré à vos collaborateurs. Ouais, c'est impossible de travailler correctement. Sans collaborateur. Sans collaborateur. Hein. Moi j'ai trois personnes, j'en ai une à Paris qui a fait du droit, qui m'aide à faire des amendements, à faire la loi. Il faut savoir comment ça marche, ça ne s'invente pas. J'ai une personne au siège dans mes locaux de la circonscription qui s'occupe de répondre de la relation avec les électeurs dans leur ensemble. Et puis j'ai une assistante qui s'occupe de toute l'organisation matérielle, de mon agenda, de mes rendez-vous, de mes déplacements, de... voilà. Et je vous assure qu'ils ne chôment pas. Donc vous voyez, 9 000 euros, ils gagnent en moyenne 3 000 euros chacun brut par mois. Et Dieu sait qu'ils les méritent parce qu'ils ne comptent pas leurs heures. Parce que, voilà, quoi, c'est la vie d'un député. C'est comme ça, quoi. Mon assistante parlementaire à Paris, quand je travaille sur un texte de loi, on est en séance de nuit, on est en machin, elle doit être là, quoi. Ça fait partie de son job. Donc donner tout son argent à sa femme, c'est vraiment pomper le fric pour ça, quoi. Bruno Le Roux, c'est un peu différent, parce qu'il a fait ses gamines qui ont fait leur stage d'été avec lui à l'Assemblée. Et puis les sommes ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais après, il y avait des moments où les filles étaient à l'étranger et officiellement toujours travaillaient pas, toujours pour la femme. C'est pas plus pardonnable. Mais je dis, c'est pas la même échelle, quoi. Cool. Bah, j'avais une... Enfin, donc oui, s'il faut plus de contrôle... Moi, honnêtement, c'est facile en plus de ça, ça pose pas de problème. Hein. On a une rémunération de 5 000 balles par mois, on a un crédit de collaborateur de 9 000 balles, et on a ce qu'on appelle une indemnité de frais de représentation de mandat de 5 000 quelques euros par mois. Quand tu fais, moi je le fais évidemment, hein, tu as ta petite comptabilité d'entreprise, parce que quand tu es député, tu emploies toi tes collaborateurs. Hein. Donc tu tiens ta comptabilité. Ben, moi, quand j'ai payé, j'ai 1500 balles de loyer de ma permanence parlementaire. Ben, quand je l'ai loué, les locaux étaient dégueulasses. J'ai fait 50 000 euros de travaux, donc j'ai fait un emprunt que je rembourse sur les 5 ans de mon mandat. C'est à peu près 1000 euros par mois. J'ai les crédits photocopieur, téléphone, tout l'équipement. Informatique, la papeterie, ce que tu publies pour tes électeurs, machin, tout ça, quoi. Donc ça coûte à peu près 5 000 balles par mois, ta rémunération, ton crédit collaborateur. Donc c'est simple à rendre transparent. Hein. C'est pas, et du coup, très vous compliqué. Pensez quoi de tous ces parlementaires qui emploient leurs femmes ou... Ma question c'est plus, est-ce que vous pensez qu'il est possible de faire un bon travail parlementaire avec des gens de sa famille? Oui, bien sûr, hein. Bien sûr. C'est pas forcément antagoniste, hein, je dirais. En plus de ça, tu sais, on peut concevoir que, engagé politiquement, ton fils, ta fille va développer un intérêt particulier pour la chose publique, il va faire droit, il va faire Sciences Po, il va bien bosser avec moi à l'Assemblée. S'il travaille réel, c'est pas gênant. Tu vois, ce que je trouve ennuyeux avec ces histoires-là, c'est qu'on envoie carrément le balancier dans l'autre sens. D'ailleurs, il faudra interdire les recrutements de quelqu'un de sa famille, non? Moi j'ai été chef d'entreprise, t'emploies ton gamin l'été ou machin, tout le monde te dit ah, c'est bien, il s'occupe de son môme, il apprend le boulot, machin. Pourquoi dans un cas ce serait bien, dans l'autre cas ce serait scandaleux et interdit. Non, ce qui est scandaleux et interdit, c'est d'embaucher quelqu'un qui ne fait pas son travail. Ça, c'est-à-dire pour se mettre de l'argent dans la poche. Ah oui, est-ce que vous pensez que c'était une bonne décision de continuer en tant que candidat à la présidentielle après ce scandale pour Fillon? Ah non, je ne l'imagine pas. Je ne sais pas comment il fait avec sa conscience. En même temps, surtout qu'il a fondé toute sa campagne sur sa droiture. Courage et vérité. Je ne sais pas comment il fait avec sa conscience. Moi, je pourrais pas. J'avais une question, donc, sans trop rapport, mais au Polka qu'on a fait avant, donc on a fait des petits débats parti groupe, on a parlé d'une initiative citoyenne. Vous avez peut-être entendu parler d'un une possibilité de faire de, enfin, à l'avenir de faire des tirages au sort pour les parlementaires. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai entendu que tu disais ça tout à l'heure. Moi, ça me ça vous rebute ? Je dis, mais on a le droit de choisir ses représentants. Il faudrait confier ce droit-là au sort. Bah, c'est-à-dire que le sort, en partie, il peut... En partie, parce que mais même pas un centimètre, pour moi. C'est le contraire de la démocratie. Ça permettrait d'avoir une plus grande diversité dans pourquoi le parlement. Bah parce qu'aujourd'hui, quand on regarde... Mais en quoi le sort te garantirait d'avoir une plus grande diversité? Le sort, il peut te mettre à l'Assemblée 10 blonds aux yeux, 100 blonds aux yeux bleus. Quoi, la diversité? C'est le tirage au sort. Donc le hasard, il s'en provoquait. Tout est son contraire. Et on a la chance de pouvoir choisir nos représentants. Pourquoi faudrait-il confier ça, cette chance-là, au sort? Alors, pour moi, c'est l'antithèse de la démocratie. Je pense que les gens, ils ont peut-être envie aussi d'avoir des gens qui... Des gens complètement peut-être différents. Peut-être un peu gens qui n'ont pas du tout cette approche politique. Et en quoi le sort leur garantit ça? Pour diversifier. En quoi le tirage au sort leur garantirait ça? C'est aléatoire. C'est le foie. Tu peux tirer au sort les pires politiques arbéreux. Oui, mais je trouve que le tirage au sort lui garantit absolument. Si ça devenait un vrai système, les citoyens normaux, ils devraient être prêts à faire ça et ils devraient se préparer à la possibilité d'être élus au sort. Donc ça pourrait faire des meilleurs citoyens en total. Ça serait en collaboration oui, mais avec autant qu'ils soient candidats, puis qu'ils aient souci d'être désignés par le plus grand en ce moment-là. Moi, je trouve que c'est mieux. Tu peux tirer au sort des gens qui ont... Une démocratie, tu as aussi le droit d'en avoir rien à fiche et de ne pas vouloir t'en occuper. Et tu attires au sort un mec qui en a rien à fiche et qui ne veut pas s'en occuper, qui ne foutra pas les pieds pendant 5 ans à l'Assemblée nationale, qui touchera son salaire. Ou alors tu vas tirer... Ah oui, attends, c'est pas pareil. Non, hein. Non, j'ai pas beaucoup réfléchi à ce qu'il faudra faire. C'est pas pareil. Et on a la même probabilité de se retrouver avec... Je sais pas comment on est 300, mais que des personnes véreuses et pourtant, enfin, on peut s'en mettre. Oui, mais en fait, un jury, t'es tiré au sort parce que tu vas siéger pendant une semaine ou 10 jours, oui, pendant un procès. Okay. Voilà quoi. Il y a pas tellement, on peut difficilement élire un jury parce que élire pour. Très compliqué. Là, tu élis pour 5 ans, tiré au sort, et attends, je te dis n'importe quoi, mais tu tires au sort un mec complètement déséquilibré, et puis il va faire la loi. Oh, c'est une histoire sérieuse quand même, les amis. Hein. Mais qu'est-ce que vous pensez des moyens de mieux représenter les idées du peuple, par exemple avec le mouvement Ma Voix, où il y aura des députés qui sont obligés de voter exactement comme les gens ont voté sur le site internet et donc représentés dans les mêmes proportionnalités. Je ne sais pas si tu veux expliquer un peu, mais s'il y a, alors je ne sais pas, le mariage pour tous, et il y a 10 votes sur le site internet, mais normalement ça serait un nombre beaucoup plus grand. Mm-hmm. Alors les députés de ce mouvement Ma Voix devraient voter je ne sais pas, exactement la même proportionnalité, donc si sur le site internet, exactement, exactement, donc si sur le site internet c'est 60 personnes pour et 40 contre, il y aurait 6 députés qui voteraient pour et 4 qui voteraient contre. Donc c'est la proportionnalité totale. Est-ce que vous pensez que ça représente mieux les idées des citoyens dans la circonscription? Parce que comment est-ce que le député peut vraiment voter ce que veulent les gens qu'il représente? Oui, déjà, je pense que les gens, ils savent quand même, hein, ce qu'ils font un choix au moment des élections, entre les candidats au présidentiel, ensuite les députés qui vont donner une majorité au président élu. Les choses, elles se font sur un programme quand même, hein, elles ne se font pas... Il y a peut-être des gens qui votent parce que ta tête lui revient et d'autres, et pas l'autre, celle de l'autre, mais enfin, c'est quand même un nombre minimum. Et une fois qu'un député est élu, il est comptable de l'intérêt de la nation. Il y a des choses que tu peux écrire dans un programme, et puis il y a des choses qui ne sont pas dans un programme. quand il y a des attentats du Bataclan au mois de janvier et qu'il faut décider de l'état d'urgence, ben ça c'est pas dans le programme, hein, parce qu'on ne pouvait pas le prévoir. Et il faut s'adapter, réagir à l'actualité et le faire avec son bon sens. Et c'est pas, je dirais, des pétitions de citoyens, parce qu'il y en aura 200 000 qui sur un site auront dit « moi je suis pour l'état d'urgence » ou « moi je suis contre ». Ben non, là tu es en face de ta conscience, tu es député de la France et tu fais ce que tu estimes bien de faire. Puis au terme de ton mandat, tu rends compte à tes électeurs, et ils sont contents de toi, ils te gardent, ils ne sont pas contents de toi, hein, ils ne se gênent pas pour, pour te virer. C'est très... Moi je trouve que c'est important de prendre en compte les réseaux sociaux, ce qui se dit, tout ça, hein, mais on passe beaucoup de temps à les consulter. C'est vrai que ça permet de sentir un peu l'état de l'opinion. Mais moi, je ne me laisse jamais dicter mes choix parce que je ressens de l'opinion. Si je vous prenais tout à l'heure l'exemple de la loi sur le mariage pour tous, si j'avais cédé à la pression, je n'aurais pas voté. 1 million de manifestants, hein, c'est beaucoup. Hein. Dans les réseaux sociaux, des manifestants devant l'Assemblée, tout ça, il y a des gens qui étaient motivés, puis des gens sincères, hein, autant sincères que vous et moi, mais qui avaient une conception qui était différente. Quoi. On est aussi là pour faire des choses en fonction de ses convictions, oui. Et pas simplement être le perroquet des convictions du plus grand nombre, parce que les convictions du plus grand nombre, on pourrait dire aujourd'hui, la majorité des Français qui s'expriment est partisan d'idées d'extrême droite. Mmh, ouais. Ben, moi, il y aura beau y en avoir la majorité, je ne défendrai pas ces idées à l'Assemblée, si j'y suis.